deuxième temps de notre série consacrée à une histoire du sable. Ce matin, émission d'archives, comme tous les mardis, sur le Sahara. Hier, notre sable s'était accumulé sur les plages de Californie. Nous en avons parlé avec notre invitée, l'historienne Elsa Devienne. Demain, il se sera solidifié en une matière fragile et translucide. Le verre, jeudi, il deviendra presque indestructible dans le béton. Et aujourd'hui, eh bien, notre sable est mouvant. Il s'étend parfois et disparaît à d'autres périodes, par exemple dans le Sahara, qui sera le sujet de notre émission. Grâce à des textes lus par Nathalie Canoui et des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, nous réfléchirons donc au travers du désert avec nos trois invités. Michel Barbaza, il est en duplex depuis les studios de Radio France à Toulouse, que nous remercions de l'y avoir accueilli. Professeur à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, historien de l'art et préhistorien. Il est auteur, avec bien d'autres, dans le livre qui a été coordonné par François-Xavier Fauvel de la collection Belin, Les Mondes Anciens, L'Afrique Ancienne. Gaëlle Tallet est maître de conférence à l'université de Limoges et directrice de la mission d'Elder dans l'oasis de Karga, dans le désert occidentale d'Égypte, elle nous en parlera. Et Abdel Wedoud Oulcher est professeur émérite en anthropologie à l'université de Lorraine. Quelques minutes, nous allons quitter Reagan pour Poste Végan, puis Bidon 5. Je voudrais cependant, avant de partir, vous faire entendre quelques-uns de ces hommes qui vivent ici et qui ont réussi à créer en ce Borge un véritable oasis de vie française dont le plus raffiné confort n'est pas exclu. Voici d'abord le chef du centre. Vous avez, monsieur, un hôtel qui me paraît presque impossible, enfin, ou très difficile à gérer, parce que je vois qu'à Reagan, les ressources sont meilleures. Est-ce que vous avez de l'eau? Oui, mais l'eau n'est pas très bonne, elle est magnésienne. Et est-ce que vous avez de la viande? Presque pas, elle vient du Soudan. Est-ce que vous avez du pain? Non, le blé ne pousse pas ici. Ah, le blé ne pousse pas, et pratiquement, il n'y a presque rien à la palmerie. Et les combustibles? Les combustibles, il n'y en a pas du tout. Alors il faut que vous fassiez tout venir? Ah, absolument tout. Vous êtes ravitaillé par l'Algérie ou par l'Afrique occidentale? Bah, nous sommes ravis, surtout par l'Algérie. Et tout arrive par camion? Tout arrive par camion. Et malgré cela, vous avez combien d'hommes ici? Combien d'Européens? 15 sédentaires. 15 sédentaires et des passagers toutes les semaines. Et des passagers deux ou trois fois par semaine. Qui viennent dans les cars de la Transsaharienne. Qui viennent dans les cars de la Transsaharienne. Merci monsieur, il est temps de partir et nous allons rouler de nuit pour que le micro de la radiodiffusion nationale arrive en plein jour à Bidon 5. Je crois, mes chers auditeurs, qu'aucun voyageur transsaharien ne quitte sans un certain serrement de cœur ce Borge frais, accueillant, pour le désert torride, la morne aridité du Tanezrou, le médecin de la pauvre Zaouya qui, depuis des siècles, recueille les caravaniers perdus, à demi-morts de soif, le médecin appelle à la prière. À la porte du Borge, des Touaregs, sur leur Méhara, s'apprêtent eux aussi à quitter Reagan. Mais ils vont aller vers le nord, vers Adrar. Ces hommes voilés portent des glaives, ils s'interpellent en leur langue mystérieuse, le tamashek. Au pas rapide de leurs grands chameaux blancs, drapés dans leurs vêtements bleus, ils partent, nous aussi. Le moteur ronfle déjà, en route pour Gao, à quelques 1500 km. Voilà peut-être le premier extrait que nous avons trouvé dans les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel consacré à ce désert traversé en 1942 dans une émission donc de la radiodiffusion nationale, Vichy, donc en l'occurrence, écho sonore de l'Empire, où on tentait en reportage de raconter ce qu'était la traversée du désert avec bien des idées reçues. Abdel Wedoud Nouchir, vous avez vous-même, vous êtes né après la Seconde Guerre mondiale, mais vous avez vécu dans ce désert dont on parle ici et dans ces contextes aussi de colonisation ou de post-colonisation avec cette vision des Européens de ce morne, cette morne aridité du Tanezrouf. Qu'est-ce que vous pensez en écoutant ce reportage de 1942 ? Bah, je crois que ça reflète un peu sans doute les idées de l'époque, mais aussi des choses qui sont restées sur cette ambivalence du désert comme à la fois une zone très dure, très difficile pour ceux qui y pénètrent, et en même temps une sorte de fascination et d'attrait presque du vide, quoi. Je crois que c'est resté, je pense que, jusqu'à y compris par les trekkers d'aujourd'hui et les chercheurs d'aventure, qui peuvent avoir besoin de les construire, d'ailleurs, quand elles n'existent pas, pour se donner cette image du Sahara. Mais justement, cette image, c'est une image externe, extérieure du Sahara. Quand on le connaît, quand on l'a fréquenté soi-même, quand on était jeune comme vous, quelle est la différence entre ce que vous en entendez dire, ou ce que vous en avez lu, à la fois dans les textes anciens et dans les textes plus récents des voyageurs, et puis cette appréhension qui peut être différente justement de cette idée de cette traversée, de cette idée de ce que c'est que ce grand espace que l'on imagine vide et dépeuplé. En tout cas, le côté très dur de ces traversées, le danger que représente la traversée, non seulement pour des raisons climatiques, mais pour des raisons de sécurité aussi, parce que anciennement, et jusque même le djihadisme d'aujourd'hui, la razzia est une sorte de sport national saharien depuis des siècles. Et donc à la fois la soif, la solitude, les dangers sont bien réels. Et on a aussi des indications d'ailleurs sur des naufrages de caravanes entières, qui peuvent être parfois des caravanes très importantes et qui disparaissent corps et biens en entier. Hein, ça a été documenté parfois par les chroniques locales. Mais on a aussi des indications, par exemple celle d'Ibn Battuta, qu'on évoquera peut-être, qui parle justement de quelques groupes qui se sont écartés de la caravane principale et qui sont allés mourir plus loin parce qu'un vent de sable les a complètement désorientés. Donc c'est vrai que cette partie danger et incertitude accompagne toujours ceux qui parcourent cette zone, oui. Et vous avez trouvé la même chose. Bonjour Gaël Tallet. Vous avez travaillé collectivement avec un livre que vous avez co-dirigé avec Thierry Sozo, spécialiste de l'espace maritime, lui, qui s'intitule « Le mer et désert de l'Antiquité à nos jours, des approches croisées » pour tenter justement de comprendre ce qu'il y avait de liquide dans le désert et ce qu'il y avait de solide ou par l'intermédiaire du sable dans les mers et les océans, et travailler sur cette métaphore qui peut être utile aux chercheurs et à la chercheuse. Est-ce que vous avez perçu justement ce que vient de dire à l'instant même Abdel Wedoud Nouchir, à savoir ce danger toujours présent pour les Romains ou les Égyptiens que vous avez fréquentés, puisque c'est l'espace géographique qui est le vôtre en tant que chercheuse? Alors effectivement, quand on a commencé à s'intéresser à la métaphore insulaire pour décrire les oasis et la métaphore de la mer, de la grande mer de sable pour décrire le Sahara, ça a amené toute une série de réflexions et de comparaisons entre les dangers spécifiques de ces deux environnements, mais qui sont parfois comparables, avec effectivement la question de la traversée, de l'orientation dont on vient de parler. La question aussi des populations qu'on est amené à croiser avec des oasis qui fonctionnent comme des ports, avec des populations qui peuvent être comparables aussi à celles justement des ports, et avec des populations qui parfois sont perçues comme potentiellement des pirates, qui peuvent être des aides, des auxiliaires pour traverser ce désert, mais qui sont... Parfois, ce sont les mêmes personnes, celles qui peuvent vous détrousser, vous égarer. Qui faire confiance, en l'occurrence. À qui faire confiance, exactement. Et puis, également, la question du lien entre ces populations avec des États plus centralisés qui vont tendre à essayer de sécuriser la circulation dans le désert. Et ça, vous y travaillez en réfléchissant justement à ce qu'est un réseau, justement, à l'intérieur des déserts, à l'époque romaine en particulier, en partant de ce désert occidental de l'Égypte, dont vous êtes vous-même spécialiste. Et partons peut-être de Strabon, qui est un des textes les plus connus, avec Ptolémée et d'autres, sur ce désert dans l'Antiquité, tel qu'il est lu pour nous par Nathalie Canoui. Ceux qui ont prétendu diviser la Terre habitable d'après le nombre des continents l'ont très inégalement divisée. Une division en trois parties impliquait que ces parties fussent égales. Or, il s'en faut du tout au tout que la Libye soit le tiers de la Terre habitable, puisqu'on n'arriverait pas, en l'augmentant de l'Europe, à l'égaler à l'Asie, et qu'on risquerait même, en la comparant à l'Europe, de la trouver autant inférieure à cette contrée en étendue qu'elle lui est sensiblement inférieure sous le rapport de la richesse et de la fertilité. On sait en effet quel aspect la Libye offre non seulement dans sa région intérieure, mais dans toute la part océanitide, l'aspect de désert parsemé, tacheté pour mieux dire, de rares habitations sans importance et le plus souvent sans fixité. Et cet inconvénient de vaste solitude sans eau n'est pas le seul. Il y a encore le voisinage des bêtes féroces, lequel écarte l'homme de cantons entiers qui autrement seraient fort habitables. Ajoutons enfin qu'une bonne partie de la Libye se trouve comprise dans les limites de la zone torride. Il est vrai de dire que tout le littoral de notre mer intérieure, depuis le Nil jusqu'aux colonnes d'Hercule, constitue notamment dans l'ancien territoire de Carthage un pays riche et populeux, bien que là encore, les espaces arides, les déserts ne manquent pas, comme ceux que l'on rencontre aux abords des Sirtes, des Marmarides et du Catabatmos. Voilà donc un texte de Strabon, le grand géographe de l'Antiquité. Gaël Tallet, que dit-il dans ce texte et surtout comment qualifie-t-il cet endroit de Libye? Parce que effectivement aujourd'hui la Libye est un territoire relativement circonscrit, mais quand on parle de Libye, on parle de quoi à ce moment-là? Alors là, on parle effectivement d'un espace qui ne correspond pas du tout à la Libye telle que nous l'entendons actuellement, et même qui va au-delà de la Libye romaine dans la manière dont il caractérise ici tout ce qui serait quasiment le continent africain, avec cette vision du triangle rectangle qu'il déploie. Donc là, il est clairement tributaire des visions de la cosmographie antique qui voit le monde comme un vaste continent entouré par un océan, avec une mer intérieure qui est la mer Méditerranée. Et à partir de là, il tente de soumettre cet espace dont il dit lui-même qu'il est en partie inaccessible, donc difficile à connaître, a une géométrie avec une insistance sur le triangle, la vision du triangle. On voit là qu'il y a une dimension importante dans toute cette démarche de cartographie, qui est une démarche de connaissance, mais qui est aussi une démarche d'appropriation de l'espace, puisque si on veut le traverser, si on veut envoyer des ânes, puis plus tard des chameaux, puis même depuis les années 30 des véhicules motorisés dans ces régions-là, bien il faut déjà savoir un petit peu où l'on va et comment accéder à ces points, à ces tâches dont il parle. Et ça, c'est, je pense, un aspect très important de ce que dit Strabon, que tous les géographes contemporains comprennent, parce que la difficulté à cartographier, elle n'est pas quantique, elle est également contemporaine, puisqu'un objet difficile à cartographier par excellence, c'est l'oasis, qui, on le verra peut-être un petit peu plus tard quand on parlera de leur histoire, de leur apparition, sont des objets mouvants, qu'on ne peut pas fixer, il le dit, hein, ce sont des objets sans fixité. Comme et d'ailleurs donc, les personnes dont il parle. Exactement. Donc il dit que ce sont des gens qui sont sans fixité parce qu'ils naviguent à l'intérieur de ce désert. D'ailleurs, on utilise le terme. Ils s'adaptent à ce désert aussi et à sa dynamique. Et de quoi ces oasis sont-elles le reste d'une certaine façon? Michel Barbazin, vous êtes avec nous. Vous êtes préhistorien et professeur et chercheur en histoire de l'art. Et vous avez collaboré à ce très gros ouvrage et très bel ouvrage de l'Afrique ancienne dans la collection Mondes anciens de chez Belin, dirigé par François-Xavier Fauvel, qui s'intitule l'Afrique ancienne, et vous y travaillez en particulier sur cette question de ce Sahara quand il était, entre guillemets, dit-on, vert, en tous les cas, quand il était très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ces oasis sont le reste d'une période plus ancienne. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces oasis? À vrai dire, selon la perspective sous laquelle je me place, ces oasis sont pour moi le terme, un épiphénomène de la grande civilisation néolithique saharienne. C'est évident. Pour moi, ce néolithique saharien, c'est une histoire sans avenir, c'est-à-dire qu'il y a un changement drastique qui se produit aux environs de... il y a 4000 ans, 2000 ans avant l'ère courante, et ce changement drastique est conditionné par le processus d'aridification extrême qui met un terme à ces civilisations pastorales sahariennes, et qui sont elles-mêmes le fruit d'une assez longue histoire, de plusieurs millénaires en arrière, qu'il faudrait parcourir pour bien comprendre ce changement. Bon, évidemment, le Sahara n'est pas absolument désertique à partir de 2000 avant notre ère, mais néanmoins, ça n'est fini de cette civilisation de bergers, de civilisation pastorale, cette grande période de l'art rupestre saharien, à l'étude duquel je m'attache, c'est très clair. Alors les oasis, c'est le même pour moi. Les oasis, c'est de l'eau dans le sable, c'est des cultures évidemment, mais c'est un épiphénomène. Vraiment un épiphénomène sur lequel, bon, moi je suis pas spécialiste des oasis en détail, d'autant plus que ce qui m'intéresse a disparu, voilà. Ce qui a disparu en particulier, c'est un climat, c'est une autre façon de voir cet espace géographique qui est aujourd'hui le Sahara, comme d'ailleurs le notait en 1974 celui qu'il a parcouru dans bien des sens, à savoir Théodore Monod. Il participait à une grande exposition sur le Sahara avant le Sahara, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, et il en parlait en particulier avec les recherches sur les pollens qui étaient toutes nouvelles à cette époque-là en 1974 et qui permettaient justement de définir un climat très différent pour cet espace géographique que celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est intéressant de rappeler qu'on a retrouvé des pollens de flores anciennes, en particulier dans les massifs sahariens, les massifs montagneux, c'est-à-dire d'une part le massif central, le Hoggar, et le Tassili, et d'autre part, le Tibesti. Ces résultats ont fourni des indications à certains égards surprenantes, puisqu'on a pu déceler la présence sur ces montagnes d'arbres qui en sont actuellement totalement disparus, par exemple. Il y en a même qui n'existent plus en Algérie. Oui, il y a le tilleul, par exemple. On a trouvé des chênes, on a trouvé des pins, on a trouvé un tilleul, on a trouvé des aunes. Alors ça, c'est une flore d'affinité, comme disait mon ami Ishak, d'affinité méditerranéenne. Alors que la flore actuelle est davantage d'affinité tropicale, d'affinité soudanaise, sahélienne, africaine. Alors il y a une curiosité, c'est le cyprès, parce que de cette végétation ancienne, il reste un arbre. Pas, je ne veux pas dire un individu, mais une espèce. C'est le cyprès de Dupré. Ce cyprès de Dupré habite encore le Tassili, des Agères. Une expédition botanique en a fait l'inventaire. On les connaît un par un. On les a numérotés, on les a mesurés, chacun d'entre eux. Je ne me rappelle plus le nombre exact. Je crois qu'on est arrivé à peu près 100 ou quelques spécimens. C'est un très bel arbre. Il y en a d'énormes, mais c'est un arbre qui ne se reproduit plus sur place. C'était Théodore Monod en 1974 au micro de France Culture. Il évoquait donc cette climatologie très différente de cette région du monde qu'est le Sahara aujourd'hui. Michel Barbaza, il n'y a pas d'ailleurs que cela comme témoin de cette histoire différente, pourrait-on dire, de cet espace géographique, puisque vous êtes spécialiste de l'art rupestre et qu'on y trouve des centaines, des milliers de représentations dans ce qui est actuellement un désert, qui montre effectivement que avant le désert, c'est-à-dire avant 2000 avant notre ère, eh bien, il y avait autre chose dans cet espace. Oui, voilà. Oui, la mise en perspective historique du Sahara depuis 12 000 ans, en gros, permet de comprendre la situation que décrit à la perfection le professeur Monod. C'est bien évident. Si nous remontons vers 12 000, nous avons un désert total plus sévère encore que celui que nous connaissons actuellement. On l'a appelé le Grand Aride, par exemple, ou le Big Dry, pour prendre cette expression anglo-saxonne, qui dit bien ce qui en était. Le Sahara est vide à ce moment-là. Mais vers, il y a environ 10 000 ans, des phénomènes météorologiques, le déplacement des masses d'air génère une mousson depuis le golfe de Guinée qui apporte évidemment des précipitations abondantes sur tout le Sahara. Bon, on a parlé aussi de Sahara. Et des centres de froid polaire aussi, donc qui permettent aussi d'avoir d'autres. Oui, il y a à la fois les moussons guinéennes et il y a le front polaire qui apporte, comme c'est encore parfois le cas sur le nord de l'Afrique, des perturbations venues de l'Atlantique Nord. Donc il y a un bon régime de pluie qui se met en place sur le Sahara, disons, aux environs, il y a environ 10 000 ans, 8 000 ans avant notre ère. Et à partir de là, on a pu parler de Sahara vert, évidemment. Ça génère, c'est plus génère de la végétation. La végétation Elle permet de nourrir une faune, là, ce qu'on a appelé la grande faune éthiopienne, que nous connaissons encore actuellement plus au sud. Cette grande faune se met en place et auprès des fleuves et des très nombreux lacs qui parsèment l'ensemble du Sahara, la vie humaine se développe à partir des marges du nord, à partir des monts, enfin de l'Atlas, à partir également du Sahel, à partir également de l'Est. Un peuplement se met en place très rapidement et le Sahara constitue à ce moment-là une sorte de melting pot où les populations se mélangent plus ou moins et se développent. On a affaire là à des populations de chasseurs-pêcheurs, on va dire, pour bien préciser les choses. Le problème devient un peu ardu lorsque commence à se mettre en place ce processus d'aridification, c'est-à-dire qu'il s'effectue dans un contexte de densité démographique élevée. Et à partir de ce moment-là, ces gens doivent faire face à une population importante à nourrir, doivent développer de nouvelles techniques de chasse et de pêche et d'élevage, puisqu'à ce moment-là, doucement, déjà depuis plusieurs... C'est le pastoralisme qui commence. Et le pastoralisme se met en place doucement à partir du Nord et à partir du Proche-Orient, où il est plus ancien. Et à partir du moment où on a des animaux domestiques, on sait que, disons, que la domestication est en place. La néolithisation commence à porter ses fruits. Et nous sommes aux environs de 5000 avant notre ère. C'est une date moyenne, on peut discuter. L'introduction à la chèvre est introduite bien avant, bon, etc. Mais enfin, bon, disons, 5000 constitue un bon repère. Et à ce moment-là, donc, se met en place ce que on peut appeler la civilisation pastorale, et qui s'exprime au travers de l'art rupestre. Et cet art rupestre permet de connaître d'un peu plus près les mentalités, les problèmes, les stress de ces populations sahariennes. Bon, mais là, c'est une histoire qui se développe. Voilà, en gros, les grandes lignes. Et ensuite, pour terminer l'histoire climatique, aux environs de 2000 avant notre ère, la aridification est totale. Enfin, c'est le désert actuel qui se met en place. Les oasis subsistent, mais ce n'est que dans les oasis que ce néolithique, et encore de manière très parcimonieuse, se développe. Vous voyez, et c'est autre chose, c'est d'autres systèmes. On a parlé, monsieur Hould, cher, a évoqué la razzia tout à l'heure, les dangers du Sahara. C'est un autre monde, nouvelle mentalité, nouvelle ressource économique, c'est la razzia. Ce sont les grandes caravanes qui parcourent le Sahara depuis Sijil Massa, par exemple, jusqu'à Tombouctou, etc. C'est une économie de marché, une économie d'échange, de caravanes, qui suscite des populations guerrières telles que nous les connaissons, nous avons connues jusqu'à un passé très récent. Mais c'est un autre monde par rapport au monde sur lequel vous travaillez vous-même. Je m'attarde. Oui, voilà. Oui. Gaël Tallet, cet autre monde va évoluer, bien évidemment, en particulier avec la domestication d'autres races animales, et en particulier le dromadaire qui va devenir très important. On ne sait pas très bien à quel moment le dromadaire est domestiqué, mais enfin, en gros, c'est aux alentours de 1000 avant notre ère que... Dans la moitié du premier millénaire avant notre ère, il est introduit dans le désert libyque oriental. Donc les oasis, à l'ouest du Nil, quelque chose comme ça. Mais ça, il vient donc, lui, d'Arabie. Voilà, l'arrivée du dromadaire est vraiment l'objet de très grands débats. Et effectivement... ramène toujours à cette question importante de la traversée. On l'entendait dans l'archive initiale. Tout est importé, nous disent-ils. On fait venir absolument tout d'ailleurs. Alors, bon, c'est pas tout à fait vrai, bien sûr, puisqu'on peut tout de même vivre dans les oasis, mais la question de l'autarcie, très clairement, doit être évacuée, puisqu'on ne peut pas vivre de manière complètement isolée dans les oasis. Et d'ailleurs, Strabon a une autre image, hein, il parle de la peau de léopard ou de la peau de panthère pour décrire ce Sahara. Et ces vestiges dont parlait Michel Barbaza, précisément, vont devenir les points d'un réseau qui est absolument nécessaire pour la survie dans l'oasis. Donc il s'agit bien sûr d'accéder à l'eau, de pouvoir subsister, mais aussi de pouvoir être connecté avec d'autres oasis. Oui, et cette question du réseau, on a l'impression, Abdel Wedoud Oulcher, que c'est une question importante pour la recherche aujourd'hui, de penser justement, parce qu'on pense, j'imagine, avec la mondialisation telle qu'elle est en train de se passer, à ces questions de réseau, de hub. On voit combien les chercheurs réfléchissent à cet espace géographique comme un vaste maillage, un vaste réseau qui serait en continuelle transformation. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée que, comme l'Internet, d'une certaine façon, eh bien, si on coupe une route, eh bien, le chemin est repris par les caravanes vers une autre route? C'est une excellente image. Il y a d'ailleurs des travaux récents qui mettent l'accent sur cet aspect Je pense notamment à la thèse de Judith Schiele qui est intitulée « Smugglers and Saints, Connectivity in the 20th Century », qui explique à partir d'un point très improbable qui s'appelle Al-Khalil, aux trois frontières entre l'Algérie, le Mali et la Mauritanie, à quel point un endroit aussi reculé comme ça sur la planète est un endroit extraordinairement branché, comme on dirait. Parce que, par exemple, pour parler d'un phénomène de mode comme les malafas, ces vêtements que portent les femmes mortes dans l'espace ouest saharien, la dernière mode, disons, de ces malafas dans cet espace, et se propage très très rapidement. Et donc, il y a aussi la tradition orale qui était également extrêmement vivace. Et j'ai connu quelqu'un qui avait été employé pour plaider le cas de la Mauritanie dans la controverse sur l'appartenance du Sahara en termes de politique, enfin de rattachement frontalier, et qui disait un poème qui est dit du côté de Goulimine, dans le sud du Maroc, est connu pratiquement deux jours après dans l'extrême sud-est de la Mauritanie actuelle, pour dire à quel point la circulation aussi des informations était une chose très rapide. C'est tout de même cela qui est très étonnant, parce qu'effectivement, quand on travaille sur l'histoire des communications, quand on travaille sur l'histoire des relations entre les différentes cultures, on imagine la difficulté pour pouvoir justement transmettre un savoir d'un côté à un autre espace géographique, et on s'aperçoit que justement cette fluidité du désert est quand même beaucoup plus grande que bien d'autres endroits de la planète où, pour parcourir des montagnes, pour parcourir des routes qui n'étaient pas toujours très bonnes, en l'occurrence avant l'Empire romain ou après, eh bien on mettait beaucoup plus de temps. Et tout à fait, le système caravanier lui-même qui est assez ancien avait un rythme relativement lent, mais en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, quand une branche, parce qu'on a aussi des indications qui sont un peu fragmentaires sur ces mouvements caravaniers, et quand un tronçon s'éteint pour X raisons, mais ça peut être des épidémies, ça peut être des sécheresses, ça peut être des guerres locales, enfin tout ça peut perturber assez considérablement localement ces trafics, mais ils renaissent ailleurs, et on a aussi des micro-systèmes à l'intérieur du système de relation entre ces ports caravaniers dont vous parliez tout à l'heure, entre eux, quand ils sont coupés de plus loin, de toute façon, ils ont toujours entretenu entre eux généralement pas mal de relations, et par exemple une agglomération comme Tombouctou est née, disent les chroniqueurs locaux, du déclin de Walata voisine, mais quand Tombouctou a été occupé par exemple par un chef qui est le fondateur de l'Empire Sonrai en 1464 je crois, un certain Sonia Ali, la plupart des lettrés de Tombouctou sont allés se réfugier à Walata, et on a des relations comme ça d'échanges entre les agglomérations proches qui sont des formes d'oasis quelque part. Oui, Gaël Talé, vous qui travaillez sur ces oasis de l'ouest du désert occidental de l'Égypte, et en particulier sur celles de Harga ou de Dakhla, qui sont donc côte à côte dans ce désert occidental, eh bien, vous voyez cette grande malléabilité, pourrait-on dire, de ces espaces géographiques, cette capacité aussi de ceux qui les occupent à changer profession, à changer de façon de commercer, à changer aussi de produits à vendre à ceux qui veulent les acheter. Alors effectivement, je crois que c'est une question vraiment intéressante sur l'économie antique de prendre la mesure des choix qui peuvent être faits par les acteurs, les usagers des oasis en fonction d'informations dont ils disposent. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas si isolés qu'ils pourraient le sembler, et ils peuvent être informés de changements, de besoins particuliers qui sont présents ailleurs, en dehors de l'environnement oasien, et qui, en même temps, vont correspondre à des niches, notamment écologiques, dont eux disposent. Donc, par exemple... On a du mal à croire que dans les oasis, il y a quelque chose de très différent de ce qu'il peut y avoir, par exemple, sur les bords du Nil. Et pourtant, vous montrez bien dans vos travaux que oui, à Dakhla ou à Karga, eh bien, il y a des propositions à faire qui peuvent intéresser des gens qui se trouvent au bord du Nil. Alors effectivement, là, ce qui importe aussi, c'est de bien prendre la mesure du fait que tous ces espaces sahariens ne sont pas similaires. Et donc les oasis sur lesquels je travaille sont situés au au pire à 200, 300 kilomètres de la vallée du Nil, et donc sont quand même en connexion avec cette vallée, tout en en étant terriblement isolés. Hein. Il y a bien 7 jours de marche pour atteindre Kharga. Mais par exemple, on constate qu'à partir du 2e siècle de notre ère, eh bien, apparaît la culture du coton dans ces oasis, ce qui peut sembler tout à fait étonnant. On imagine d'autant plus qu'il y a un besoin en eau particulièrement important qui peut permettre de s'étonner de la présence de cette culture du coton. Et pourtant, elle est bien documentée par l'archéobotanique, par les textes. Il y a une production de coton au moins du 2e au 4e siècle dans les oasis du désert libyque égyptien. Alors là, la question se pose, pourquoi le coton dans les oasis et pourquoi pas dans la vallée? Eh bien là, très clairement, il y a à prendre en considération la capacité des oasiens à s'apercevoir du fait qu'ils bénéficient d'une niche, puisque le coton est une culture d'été et qu'en été, la vallée du Nil est recouverte par la crue. Et que donc les espaces disponibles pour cette récolte, c'est la complémentarité, sont limités, alors que l'oasis, son eau, et fossiles. Et c'est là que, finalement, ce qui était une sorte de malédiction des oasiens, hein, leur eau est fossile, ça veut dire qu'elle est finie. Eh bien, cette eau-là, elle n'est pas tributaire du régime de la crue, et donc elle devient un lieu de culture possible du coton. Et donc on voit se développer vraiment une culture très intensive du coton à cette époque-là, avec des textes qui nous parlent de centaines de kilos de coton pour une seule ferme. Hein. Donc c'est vraiment... Ils ont clairement identifié une demande. C'est en plus une denrée qui s'adapte particulièrement au transport, puisqu'elle est légère. Elle n'est pas corruptible. Donc, on peut absorber le coût du transport terrestre qui est extrêmement important pour rejoindre la vallée. Il y a une demande ailleurs. Et donc là, il y a vraiment une connexion parfaite, je pense, de l'intelligence économique oasienne. Ils ont la connaissance d'une demande ailleurs. Ils ont la connaissance de leur spécificité. Et ils vont mettre au service de cette connectivité, bien le savoir-faire des fiameliers, des caravaniers. De la vertu, justement, d'appliquer la question de la connexion qui s'est beaucoup développée avec l'histoire connectée aujourd'hui à des espaces géographiques comme celui du Sahara. Un texte de Al-Bakri. Vous nous présentez Al-Bakri, s'il vous plaît, Abdel Wadoud Oulcher. Qui est-il et c'est un voyageur du 11e siècle? C'est un chroniqueur, en tout cas, parce qu'il n'a pas beaucoup voyagé lui-même, mais il avait une bonne table du côté de Cordoue, et il recevait beaucoup de voyageurs qui eux-mêmes étaient souvent bien informés, parfois un petit peu affabulateurs, mais quand même, ils avaient des informations intéressantes à l'occasion. Et il a rassemblé beaucoup de choses. C'était un homme donc qui vivait au 11e siècle, et notamment ce qu'il dit sur l'espace qui nous intéresse, là, c'est des années 1068 précisément, parce qu'il donne cette date... Et donc, il est une sorte de témoin direct, notamment, enfin direct, presque direct, de l'émergence, par exemple, du mouvement almoravide, qui va conquérir la partie occidentale du Sahara jusqu'à la péninsule ibérique dans les années donc 1060-1070. Et il nous parle d'une grande ville bien fréquentée dans les sables, un texte lu par Nathalie Canoui. Aoudarost est une grande ville, bien fréquentée, dans les sables. Une grande montagne sans vie et sans végétation la domine. On y trouve une grande mosquée et de nombreux oratoires de quartier, bien fréquentés. Dans tous, on y trouve des maîtres du Coran. Autour de la ville, on trouve des jardins de dattiers où l'on cultive le blé à la bêche. On arrose avec des seaux en cuir. Seuls les princes et les gens de qualité se nourrissent des produits de ces jardins. Le reste de la population mange du mil. Les concombres réussissent bien chez eux. On y trouve des figuiers de petite taille, ainsi que des pieds de vigne. La culture du henné produit beaucoup. La ville possède des puits d'eau douce. L'élevage des bœufs et des moutons est des plus prospères. On y trouve beaucoup de miel qu'on importe du pays des Soudans. Les gens vivent bien et sont riches. Voilà un texte qui peut paraître un peu contre-intuitif, comme on dit, Abdel Wadoud Oulcher, un lieu en plein milieu du désert, qui peut être un lieu où les gens vivent bien et sont riches. Oui, c'est effectivement une image un peu surprenante quand on connaît le lieu aujourd'hui où se trouve cet endroit, qui est dans l'espace central de la Mauritanie, qui a été fouillé d'ailleurs pendant assez longtemps par une équipe d'archéologues français, sous la direction du professeur Jean Devis et de la famille Robert. Et donc c'est un endroit qui, à la fois par la description que donne Al-Bakri, mais aussi par les indications que les archéologues ont pu mettre à jour, montre effectivement l'existence d'une communauté locale relativement prospère, qui a dû sans doute aussi, là on revient à la question de l'eau, enfin, parce que le déclin de cet endroit est aussi lié à l'assèchement de la nappe dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vraisemblablement une conjoncture climatique assez pénible qui a pu pousser les gens à partir de cet endroit, même s'il a été le lieu d'une confrontation par ailleurs très importante, notamment entre les Almoravides dont je parlais tout à l'heure, et l'Empire de Ghana, qui dominait cette région. Et on ne sait pas trop, ça semble avoir la conquête de cet endroit par les Almoravides, donc dans les années, au milieu du XIe siècle, semble avoir eu un effet assez important sur le destin de l'ensemble de ce qu'on appelle l'Empire de Ghana à l'époque. Oui, parce qu'effectivement, il y a des confrontations, il y a des empires, il y a des richesses aussi. Il y a tout l'or de cet Ouest africain qui se répand partout. Et il y a aussi des mystères, puisqu'on cherche encore la capitale de ce fameux empire du Mali, dont on ne sait exactement où elle se trouve, parce que les voyageurs la situent à différents endroits, en l'occurrence Abdelwedoud Al-Oulcher, et évidemment ça fait rêver parce que cette idée du désert et du sable qui recouvre les villes qui ont été auparavant prospères, c'est presque une idée du temps, pourrait-on dire. Oui, en tout cas pour revenir aussi à la question de la richesse, on parle beaucoup de ce chèque de 42 000 dinars évoqué par Ibn Hawqal, qui est un voyageur irakien qui est passé par là dans les années 950. Enfin, le fait qu'il soit passé exactement à Daros est controversé, mais en tout cas, il a sûrement été à Sijil Massa. Et il parle d'un chèque. Sijil Massa, qui était donc au sud du Maroc, le début des routes qui traversaient le désert. Voilà. Et Ibn Battuta dit, Ibn Hawqal dit, c'est un commerçant originaire de Sijil Massa qui avait un chèque qui lui donnait une sorte de crédit de 42 000 dinars sur un autre résident de la région de Sijil Massa, enfin un échange comme ça. D'ailleurs, il emploie le terme sac, qui est probablement à l'origine du mot chèque lui-même dans les langues européennes. Ah oui. Mais, donc on voit l'importance économique de cet espace, notamment à travers ces échanges. Oui, parce que on croit, Gaël Tallé, souvent que ces espaces sont parcourus par, mettons, des populations qui vont d'un bout à l'autre du désert pour faire du commerce, mais on s'aperçoit que les populations viennent de bien plus loin, des Bagdadis se sont installés à Sijil Massa, par exemple, cette ville qui était la porte du désert au niveau du Maroc, qu'ils venaient là parce qu'il y avait de l'argent à faire, parce qu'il y avait la possibilité de faire des richesses. C'est la même chose pour le désert occidental du côté de l'Égypte. Tout à fait. On constate que, en fait, comme il n'y a pas de traversée directe du désert, il y a tout un réseau d'oasis qui vont fonctionner comme des entrepôts, comme des lieux d'accueil où l'on s'arrête, où l'on décharge sa caravane, où éventuellement on acquiert de nouvelles denrées et où on vend celles qu'on a apportées jusque-là. Donc c'est un commerce et c'est une circulation qui est très complexe et qui ne va pas forcément traverser d'un bout à l'autre le désert, mais bien au contraire va parfois circuler. On va aussi dérouter la caravane pour se rendre dans une autre oasis dont on sait que le besoin est plus important finalement pour la cargaison qu'on a dans la caravane. Et dans ces oasis, il y a des infrastructures d'accueil et il y a des populations dont on est toujours surpris, mais finalement c'est quand même très présent aussi dans l'archéologie, pas seulement dans les textes, par la sophistication en fait de la culture qui s'y déploie. Dans l'oasis de Harga et dans l'oasis de Darla, il y a des riches villas romaines avec des peintures à fresques dans les villas qui à la fois montre une appartenance très connectée à l'Empire, où on veut montrer qu'on est intégré à l'Empire, qu'on mange dans de la céramique sigillée ou dans la céramique fine africaine, qui n'arrive pas directement d'Afrique, hein, qui passe plutôt qui fait par... tout un tour. Qui fait toute une circulation. Donc on exhibe particulièrement cette sophistication, cette intégration, puis en même temps on manifeste toujours qu'on reste saharien avec toute une série de motifs, de thématiques qui apparaissent notamment dans l'art de ces villas, qui est proprement égyptien ou même libyen parfois. Michel Barbazin, vous êtes très loin de votre zone de confort puisque vous êtes préhistorien et historien de l'art, donc, et vous travaillez en particulier sur cette période du Sahara vert, mais vous vouliez intervenir par rapport à ce qui était dit à la fois par Abdelwedoud Oulcher et par Gaël Tallé. Oui, sur les réseaux, par exemple, ça a été évoqué, un problème qui a été évoqué, et la communication entre les récits qui se tiennent dans le sud marocain, et puis ensuite qui sont connus deux jours après en Mauritanie, je rappelle brièvement. C'est un phénomène qui est connu au Sahara néolithique, vers, disons, 5000 avant notre ère. On a la preuve, au travers des images, de la communication des récits. Ce sont des récits mythologiques, par hypothèse, évidemment, on n'a pas la preuve, il n'y a pas de texte, des récits mythologiques. Mais qui circulent. Alors, qui circulent entre des populations qui sont très éloignées. Sont très éloignés, plusieurs milliers de kilomètres. Parfois, on retrouve les mêmes thèmes, chacun traduisant le récit mythologique à sa façon. Mais, comment dire, la structure de l'image dans laquelle l'artiste a résumé le récit mythologique et le mythe par lui-même, le mythe fondateur, la cristallisation de cette tension sous-jacente qui se traduit dans l'art rupestre, cela reste semblable. Il y a des exemples très précis. Évidemment, il faudrait avoir l'appui de l'image pour le démontrer, mm-hmm. pour le montrer tout simplement. Mais c'est assez frappant, quoi, de voir cette diversité au sein de l'ensemble artistique bovidien, c'est le terme que l'on emploie, qui n'est pas une culture à proprement parler. C'est un peu, si vous voulez, le même phénomène que le maniérisme à la Renaissance. Mmh. Hein, c'est à peu près la même chose. On en a en Espagne avec Greco. Il y en a dans l'Europe occidentale. C'est la même chose, mais ça apparaît, ces mythes apparaissent dans l'ensemble du Sahara, y compris d'ailleurs jusque au Sahara occidental. Hein, on a des choses, on a du bovidien dans le nord de la Mauritanie, le professeur Houldecher doit le connaître, dans la passe d'Amougiar, par exemple, vous avez des bœufs qui sont représentés comme ça, qui sont inscrits dans la pierre. On retrouve les mêmes choses, très amoindrées évidemment par rapport au Sahara central, qui constitue une zone refuge. Tout simplement, le phénomène de réification a suscité à inciter les populations néolithiques à aller chercher des terrains de parcours mmh. favorables à leur genre de vie. Et c'est la transhumance vers les sommets, vers l'altitude, évidemment, avec les pluies orogéniques, les pluies résiduelles du Sahara. Merci Michel Barbazan. On va passer à une autre partie de notre discussion, puisque vous avez évoqué tout à l'heure, Abdelwedoud Oulcher, la question des difficultés de la traversée du Sahara, et en particulier des risques que l'on pouvait prendre pour sa vie. Dans un texte, Ibn Battuta, le grand voyageur au XIVe siècle, nous a raconté un naufrage, pourrait-on dire, ou un quasi-naufrage en plein milieu du Sahara. Mais avant de parler de ce naufrage, il nous raconte combien il est parfois difficile de s'installer dans certaines oasis qui n'ont pas tout le confort voulu. Nous passâmes à Terraza 10 jours. Dans les souffrances et dans la gêne, car l'eau y est saumâtre et nul autre endroit n'a autant de mouches que dans ce bourg. C'est pourtant à Terraza qu'on emporte la provision d'eau pour pénétrer dans le désert qui vient après ce lieu et qui est de 10 jours de marche et où l'on ne trouve point d'eau, si ce n'est très rarement. Nous eûmes néanmoins le bonheur de rencontrer dans ce désert beaucoup d'eau, dans des étangs que la pluie y avait laissés. Un jour, nous aperçûmes un étang entre deux collines de pierre et de roches et dont l'eau était douce et bonne. Nous nous désaltérâmes, et y lavâmes nos hardes. Il y a une grande quantité de truffes dans ce désert. Il y a aussi des poux, en grand nombre. C'est au point que les voyageurs sont obligés de porter au cou des fils contenant du mercure qui tue cette vermine. Hala, hala. نطوي الفلاطيا وقرب الحيا للنازح الصبي. Une des questions qu'on pourrait se poser hein, en lisant ce texte d'Ibn Battuta et celui qui lui fait suite racontant ce naufrage dans le désert, c'est pourquoi vivre là, d'une certaine façon. Et c'est une des questions qu'on peut se poser, Abdelwedoud Oulcher. Oui, eh ben, c'est une très bonne question. Mais c'est en même temps, on a parlé parfois de Terraza comme une sorte de banque du sel saharien. Et c'est pour ça que l'eau y est saumâtre, alors, j'imagine. Oui, c'est une saline très importante, qui a d'ailleurs, c'est elle qui est probablement à l'origine de l'invasion ou ce que moi j'appelle le tropisme méridional du Maroc, enfin la volonté d'envahir vers le sud qui a conduit jusqu'à la conquête de Tombouctou et à la fin de l'Empire Songhaï dans les années 1591. Et cette mine avait une très très très grande importance pour l'ensemble de la région, parce que la base de ces échanges transsahariens, c'était le sel contre l'or principalement, mais aussi les esclaves venant du sud et multitude d'autres denrées, mais enfin la base c'était celle-là. Et donc, pourquoi vivre là? C'est aussi se poser la question de savoir s'il y a les ressources nécessaires pour pouvoir survivre et même vivre moins chichement qu'ailleurs dans ces oasis et dans ces lieux qui sont dispersés au cœur du désert saharien. Oh, ça, certainement que la description d'Ibn Khaldoun, d'Ibn Battuta, pardon, est tout à fait exacte sur le côté modérément balnéaire, on va dire, du site de Terraza. Et ce sont généralement des esclaves dans des conditions extrêmement difficiles qui sont fixées là, exploitées. Et d'ailleurs, c'était devenu, enfin, comme les zones du nord du Mali actuel, étaient considérées comme des zones privilégiées pour les punitions, notamment d'opposants politiques à l'époque de Modibo Keïta, le premier président du Mali. Et donc cette zone était réputée pour son côté particulièrement inhospitalier. Donc on n'y va pas pour son plaisir, je pense. Gaël, t'allais sur cette question, pourquoi vit-on en plein cœur du désert? C'est une question qui vous intéresse, vous, en tant qu'historienne, de cette période romaine de l'Égypte antique. Ça m'intéresse beaucoup parce que ce qu'on constate quand on travaille sur ces oasis, c'est la précarité de l'environnement qui est l'héritage de cette phase d'aridification qui est encore en cours, mais qui est encore plus complexe que ce que l'on pourrait supposer au premier abord. Par exemple, on a pu mettre en évidence qu'il y a eu dans cette grande phase d'aridification des pulsations humides, avec des épisodes de crues éclairs qui peuvent complètement détruire un site. En l'espace de quelques pluies, on a sur le site archéologique d'Elder la trace vraiment de destruction de tous les parcellaires. Donc là, vous êtes dans un milieu complètement isolé, dans une oasis. Pourquoi rester ? Pourquoi on s'installe ici ? Qu'est-ce qu'on trouve là qu'on ne trouve pas ailleurs ? Alors, parfois, on reste ici sans doute parce qu'on y est né, tout simplement, et que partir n'est pas forcément un choix évident à faire, mais il est quand même toujours possible. Donc, c'est une question que je me pose en permanence, de la raison pour laquelle on va exploiter ces oasis, on va lutter contre un désert qui est hostile. Est-ce que ce sont les mêmes qui sont là après l'inondation et avant ? Parce qu'on peut aussi penser que les populations peuvent partir et d'autres les remplacer. Alors, il y a effectivement la question des différentes populations qui vont s'installer. C'est Brodel qui disait que l'oasis et le désert étaient dévoreurs d'hommes et faisaient justement en permanence nécessiter l'apport de nouvelles populations. Et ça, nous, on le voit dans nos sources écrites dans l'oasis de Rarga. On voit que dans les noms qui sont portés par les personnes qui apparaissent dans les documents écrits, eh bien, il y a des apports de noms qui ne sont pas locaux et qui vont régulièrement venir apporter une nouvelle population. Parce que voilà, il faut toujours plus de bras pour pouvoir lutter contre ce désert qui est permanent. On est dans une situation de crise permanente, en fait, dans les oasis. Après, la question qui se pose, c'est la crise que l'on ne va pas réussir à surmonter, qui va amener un départ. Et là, en l'occurrence, ces pulsations humides ont eu sans doute raison de la population d'Elder qui a tenté de réparer son parcellaire, a tenté de survivre à ces moissons qui ont été perdues et qui finalement a fini par abandonner le site. Le site est abandonné depuis à peu près le 4e siècle suite à ces événements-là. Quand le stress est trop grand, ça n'est pas simplement le stress hydrique, mais le stress de la vie quotidienne, pourrait-on dire, c'est trop difficile de survivre. C'est ce qui explique aussi ces migrations, ces changements d'espace et ce caractère réticulaire justement de la vie dans le désert, Abdelwedoud Nchir. Oui, on a remarqué parfois, en tout cas les chroniques locales font ressortir ça, une sorte de cycle ou de différents cycles dans lesquels il y a notamment le cycle négatif. Sécheresse, razzia, épidémie, donc qui entraîne des mouvements de population effectivement importants, et parfois le déclin très puissant de certaines de ces localités. Mais la circulation des hommes que vous venez de souligner peut pallier effectivement au vide qui se crée par-ci par-là, et parfois après c'est assez rare. Mais enfin, il arrive que des cités tombent complètement définitivement en ruine. Par exemple, on a le cas d'une petite oasis entre Shengeti et Wadan dans le nord de la Mauritanie qui s'appelle Tinigi, dont d'ailleurs le nom est devenu synonyme de ruine. C'est proverbial, légendaire comme comme ruine. Mais ces guerres civiles, là, c'était bon, mais probablement sur fond d'une crise climatique. Donc on a une sorte d'enchaînement comme ça entre péjoration des ressources, situation locale et confrontation parfois désastreuse. Et c'est en cela, Gaël Tallé, que la recherche aujourd'hui avance en mélangeant cette pluricausalité, pourrait-on dire, des crises qui peuvent toucher le désert, les oasis et les pourtours de ce même désert. C'est-à-dire qu'on va, on ne va pas chercher simplement des questions humaines, mais aussi des questions climatiques qui peuvent expliquer la détresse de certains sites. Effectivement, à partir du moment où il y a une forme d'urgence, où si on n'a plus d'eau, on ne peut pas survivre indéfiniment dans le désert, le recours à l'expertise de géomorphologues, par exemple, pour parvenir à comprendre quelles sont ces pulsations, quels sont ces cycles de l'eau dans un environnement particulier, donc là qui est l'oasis de Rarga, tout à fait important, puisque quand on commence à prendre en considération le fait qu'il n'y a pas un environnement homogène qui, pendant des siècles, serait resté le même, eh bien, on est obligé de se poser la question de l'adaptation des parcellaires. Donc, nous, archéologues, on essaye d'identifier d'abord les phénomènes d'installation, de départ, de réinstallation, puisque ces oasis, comme on vient de le dire, peuvent être abandonnées, mais elles peuvent être reconquises quelques années plus tard. Je parle là de même de micro-oasis, hein, puisque en réalité, il y a rarement des grandes oasis uniformes. Ce sont en tout cas pour ce qui concerne la dépression de Rarga, une multitude de micro-oasis. Donc on va, comme on le fait d'ailleurs dans les îles, hein, parfois on abandonne une île pour aller s'installer sur l'île d'à côté, le temps que les ressources finalement se reconstruisent, eh bien on assiste tout à fait à ce phénomène-là dans l'oasis de Rarga. Et donc la question de la variation des ressources en eau, vraiment de leur appréciation fine, est tout à fait importante, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une approche croisée entre les archéobotanistes, hein, qui vont mettre en évidence aussi les différentes espèces qui s'adaptent. Donc, je parlais du coton tout à l'heure, on peut se demander si le coton antique avait les mêmes besoins en eau que le coton moderne. Effectivement, ça fait partie effectivement des travaux que vous pouvez faire avec les spécialistes des plantes qui vous accompagnent dans vos fouilles justement du côté de Helder dans le désert occidental d'Égypte. Gaël Tallé, votre livre En commun s'intitule Le mer et désert de l'Antiquité à nos jours, approche croisée avec Thierry Sozo et bien d'autres auteurs. Et il faut donc reciter l'Afrique ancienne dans laquelle a écrit Michel Barbaza sur ce Sahara supposé vert d'avant l'aridification de 2000 avant notre ère. Et puis eh bien on peut vous lire Abdel Wedou de Oulchir, hein, dans différents articles qu'on trouve sur les sites tels que Cairn ou encore Academia.edu par exemple. Voilà, oui. Academia.edu effectivement. Oui. Merci d'être venus tous les trois pour nous parler de tout cela. Sachez que la Compagnie des auteurs aujourd'hui sur France Culture va traiter encore de désert puisqu'elle recevra l'écrivain Jean Rollin pour parler de Laurence d'Arabie. Et ce désert arabique est au cœur du livre de Wilfred Tessiger, Le désert des déserts, dont Nathalie Canoui nous lit un dernier extrait. Nul homme, après avoir connu cette vie, ne peut demeurer le même. Il portera à tout jamais, gravé en lui, l'empreinte du désert, dont le nomade est marqué comme au fer rouge, et au plus profond de ses désirs, celui d'y retourner, lancinant ou vague selon son tempérament. Car cette terre cruelle est capable d'envoûter quiconque aussi aventuré, bien plus profondément qu'aucune autre région clémente de notre planète. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Alexandre Dang était avec nous aujourd'hui en technique, à la technique, et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous continuons donc de traiter de la question du sable, mais le sable se solidifiant et devenant translucide avec le verre et son histoire.